Bon, et la soupe de poisson, tu l'as fait? Oui. Tu me l'as dit, la recette, que je vais en faire une. C'est très simple. Il faut prendre... Alors, enregistre. Ouais. Vas-y, je vais en faire une. Tu prends de l'oignon, tu prends de l'huile, d'olive ou pas d'olive, comme tu veux. Tu fais revenir ton oignon. Tu prends 4 ou 5 gousses d'ail, tu les écrases. Quand l'oignon est un peu revenu, tu mets ton ail aussi, tu fais un peu revenir. Tu prends des tomates, pelées en boîte, tu balances dedans, tu fais revenir un peu. Hein. Quand c'est un peu revenu, tu prends ton poisson. Alors, de préférence de roche, hein, ou si c'est de chalut, ça en met beaucoup plus. Alors, de roche, ça serait rascasse. C'est rascassette, petit rouca, aussi, petit poisson, là, tu vois. Ouais. Ça, ça a plus faut, de goût. Il en faut. Tout dépend, tu vas faire pour combien de personnes? Combien d'assiettes? Ben, genre 10, quoi. 10 assiettes. Il te faut, pour une bonne, bonne soupe, il te faut 2 kg de soupe de roche. 2 kg de poisson de roche. Une poisson de roche. Pas vidé ni rien, quoi. Bah, s'ils sont tout petits, tu les vides pas. S'ils sont un peu gros, tu les vides quand même. Hein, parce que non, c'est tout petit, petit, ceux du gang, mais si tu en trouves du gang. Parce que hier, c'est autorisé le gang. Les un poissonnier, petit le gang, tu les vides pas. Ouais, tu mais si c'est la rascasse, le rouca ou comment ça, tes chasses sur lesquelles il y a neige, ils vont mieux le vider. Donc tu balances tout ton poisson dans ces tomates, ces oignons, etc. Tu rajoutes 2-3 verres d'eau dedans. Et tu laisses briser. Il ne faut pas que tu les cailles à la rascasse quand même. Si le poisson est gros, tu nettoies un peu, hein, tu donnes un peu les écailles, un petit peu, bon, le plus gros. Grossièrement. Voilà. Et tu fais tout briser quand c'est bien brisé, parce que tu as mis 2 verres d'eau, mais le poisson est rentre de l'eau aussi. Ouais. Bon. Ensuite, tu mets la dose d'eau pour faire 10 assiettes. D'accord. Tu vois? Ouais. Ce qui est un peu moins que trop. Autrement, si tu la noies, après, il faut. Ouais. Mettre 10 assiettes. Salé, poivré. Laurier. Pas trop, j'ai pas trop laurier, moi, parce que ça te casse le goût du poisson. Safran, oui, safran, tu peux y aller. Une pointe de piment, ça y va très bien. Là. Ces petits piments rouges, tu mets la moitié d'un. Ou un, même un. Et tu fais cuire un petit moment avec le couvercle. Voilà. Quand c'est fini, tu passes à la moulinette, tout ça. Et bon, personnellement, moi je passe avec le petit trou de la moulinette, tu vois, pour qu'il y ait de la pulpe qui reste. Ouais. Parce qu'il y en a qui te la passent à la moulinette, après ils te la passent dans le chinois, le contre-chinois, puis finalement tu as une assiette d'eau. Ouais, voilà, il faut qu'il y ait un, moi j'aime aussi ça. Bah, qu'il y ait un petit peu de pulpe, ouais. Tu vois. Alors tu passes à la petite trou, ouais. Tout ce qui tombe, tu le gardes, tu le laisses. Ouais. Et voilà, et après tu fais, alors soit tu prends des croûtons de pain frottés à l'ail, et tu mets une aioli pimentée dessus le crouton, tu mets ça dans la soupe. Moi, je préfère les pâtes. Ah ouais, tu mets des pâtes à côté, toi. Moi, au lieu de mettre le crouton de pain, je prends des spaghettis, je les coupe en morceaux. Et tu les mets dedans? Et je les mets dedans. Je fais cuire dans la soupe. Ah ouais, tiens, j'ai jamais goûté une soupe. Alors, tu n'en mets pas une tonne de spaghettis. Et tu en mets un peu, tu vois. Ça te remplace le pain et c'est 100 fois mieux. Et la rouille, en fait, c'est comme un aioli, mais avec c'est une aioli avec de l'ail. Hein. Mais pourquoi c'est rouge? Parce que tu mets du safran ou du spigol, c'est uniquement ça, c'est tout. C'est tout, hein. Parce que la vraie rouille, hein, dans la bouillabaisse, c'est fait avec des pommes de terre écrasées qui sont cuites dans du jus de la bouillabaisse, hein, de l'ail écrasé et des pommes de terre écrasées, et du piment. Ça, c'est la vraie rouille. À la mode pêcheur. Après, on a fait la rouille comme fait maintenant, à aioli, etc. Facile à faire, plus rapide. Pas plus rapide, hein, c'est même plus chiant à faire. Même fait, les gens préfèrent. Mais la vraie rouille, c'est ça. C'est pommes de terre écrasées avec du piment, avec de l'ail, tu vois. Et quoi, de l'huile à préparer? Non, avec du jus de la bouillabaisse, du jus de cuisson de la bouillabaisse. Ah, tu peux mettre du jus de cuisson de soupe de poisson? Aussi, pareil. Et c'est tout comme ça. Tu as fini ta soupe. Ouais. Dans la soupe, tu n'as pas de pommes de terre en principe. Bon, tu peux y mettre de pommes de terre, tu vas cuire dedans. Tu les sors. Pas un pilon. Tu écrases 2-3 gousses d'ail. Tu écrases tes 2-3 pommes de terre dedans. Tu écrases un piment rouge, oiseau. Tu écrases dedans. Et tu prends du jus de cuisson et tu mets dedans. Tu fais une liaison, tu vois. Voilà. C'est comme une genre de pâte. Tu mets ça sur le crouton de pain. Mmh. Voilà. Tu vas savoir faire, toi. On va éplucher l'ail. Et cool. Putain, j'ai envie de la faire. Il faudrait que j'aille. Je pense que je vais aller commander le poisson au goût de là. Le matin tôt, ils reviennent. Ouais. Ouh, la marague, ou sur le vieux port, hein, pas tant mordu. Le vieux port, c'est un peu. Non, c'est valable. J'y vais tôt peut-être. Tu vas tôt, ah ouais, il y a la midi, il faut dire toute la matinée au soleil. Ouais, non, mais, là, tôt, mais tu vas le matin à 9h. Ouais, tu me diras pour 2 kilos, c'est pas du tout. Voilà, tu vas pas t'emmerder à courir au bout de pour 2 kilos de soupe. Hein.